Sarah, Rebecca et Rachel sortirent du tombeau et se prosternèrent devant Jésus, leur visage brillait comme l'éclat du soleil. 5. Ô assemblée des Juifs, ô enfants de péché, levez vos yeux, regardez ces femmes. Quand ils eurent levé leurs yeux, ils ne purent pas regarder les saintes femmes à cause de l'éclat de lumière qui provenait de leur visage. 6. Sarah, femme d'Abraham, se leva et dit : Ô enfant de mon fils Jacob, pourquoi contestez-vous ? C'est qu'il est puissant sur la vie et la mort. Pourquoi contestez-vous celui-ci par la puissance, duquel moi-même Sarah, Rebecca et Rachel sommes ressuscités des morts ? Il est celui qui est entré sous la tente de votre père Abraham lorsque nous nous trouvions dans le désert, celui qui m'a annoncé l'enfantement d'Isaac mon fils, qui a sauvé mon fils Isaac du couteau, et l'a racheté par une brebis qui ne fut pas engendrée. Sous cet aspect il s'est assis à table, et mangé avec le père Abraham, et il nous a bénis. Sous cet aspect il a promis à Abraham qu'il deviendrait père. Sous cet aspect il est allé à la terre de Sodome et Gomorrhe après être parti de chez Abraham. Sous cet aspect les prophètes ont prophétisé qu'il sauverait Adam et ses enfants de la mort éternelle du péché. Sous cette forme il forma le ciel et la terre. Cette forme apparut à Jacob. Moshe vit cette forme sur le mont Sinaï, qui lui ordonna d'aller à la terre d'Égypte délivrer les enfants d'Israël de la servitude. Sous cette forme est l'auteur de tous les miracles. Ô enfants d'Israël, croyez en cette forme dont la beauté est la plus belle des fils de l'homme, que le prophète David a prophétisé dans les psaumes. 7. Quand Sarah eut terminé ce discours, Jésus leur dit : Ô enfants d'Israël, fils du péché au cœur dur comme la pierre, croyez-vous ou non à présent ? Sachez que les morts croient en moi. Désormais les peuples des nations étrangères croiront en moi à votre place, afin que s'accomplisse la prophétie du prophète David. Un peuple sera créé pour glorifier le Seigneur. 8. Puis Jésus dit à Sarah, à Rebecca et à Rachel : Retournez en paix à vos places. Elles retournèrent aussitôt à leur tombeau. Gloire à Dieu. 23e miracle. 1. Tandis que Jésus traversait le territoire de Césarée de Philippie avec ses disciples, il vit un homme qui se tenait près d'un ensemencement de melons, qui se frappait le visage et la poitrine de la main en pleurant. Jésus lui dit : Qu'as-tu, ô homme ? Que t'est-il arrivé, et pourquoi pleures-tu ? Ô mon Seigneur, je suis un homme pauvre, malade de souffrance, car j'ai peiné à semer ces melons, et maintenant ils sont perdus pour moi. 2. Quelle est la raison de cette perte ? Dit Jésus. Les vermes les ont ravagés. Le juste Adonai Dieu d'Israël sait qu'ils ne m'ont rien laissé sauf trois racines. Où trouverai-je de quoi payer ma dette ? Arrache les trois racines des melons. Lui dit Jésus. Il les arracha, et les jeta devant Jésus. 3. Notre Seigneur prit les melons, et les bénit. Il dit à cet homme : Prends ces melons, et plante-les dans un endroit différent de l'endroit où les melons ont été ravagés. Ne les mets pas proches lorsque tu les planteras. 4. Cet homme fit comme Jésus lui dit. Immédiatement les trois racines de melons fleurirent, et leurs ramifications s'étendirent sur la terre. Ils fructifièrent beaucoup plus cette année-là que les années précédentes. Cet homme récolta beaucoup plus de melons que tous les gens d'Israël. Il paya sa dette, et régla sa maison, et il lui resta 4,000 drachmes d'or de la vente des melons. 5. Cet homme apporta l'or à Jésus, et lui dit, « Ô mon Seigneur, j'ai payé ma dette, et j'ai réglé les affaires de ma maison. Il me reste 4,000 drachmes d'or que je porte vers toi. Voici, que m'ordonnes-tu de faire ? Va donner l'aumône aux pauvres, et aux malheureux. » Il fit tout comme Jésus lui ordonna. 6. Il revint vers lui, et lui dit, « Voici que j'ai distribué entièrement les 4,000 drachmes d'or aux pauvres, et aux malheureux. Je n'ai pas conservé une seule drachme pour moi. » « Tu as bien fait, » lui dit Jésus. « Viens, et suis-moi. » Il le suivit, et devint son disciple, du nombre des 72 disciples. Par sa prédication, beaucoup de gens des enfants d'Israël se convertirent, ainsi que d'autres gens qui reçurent le baptême. De plus, il appela à la foi les gens d'Ascalon. 24e miracle. 1. Tandis que Jésus traversait le territoire de Galilée avec ses disciples, et beaucoup de gens des Juifs, il le parlait, disant, le royaume des cieux est proche de vous. Recevez-le pour vous. Voici qu'une femme de la lignée d'Abraham, appelée Yahoskina, qui avait une perte de sang depuis 12 ans, vint vers lui après avoir pensé dans son cœur. Je ne dois pas entrer au milieu du peuple, demander au maître de me guérir. La loi de Moshe ordonne ainsi. Si elle a osé entrer, qu'elle soit lapidée à mort. J'irai seulement derrière lui toucher la frange de son vêtement, car si j'approche de lui, je sais je serai guéri de cette mauvaise maladie. 2. Elle s'approcha du Seigneur, et prit la frange de son vêtement, et aussitôt elle fut guérie, et la perte de sang devint sèche. 3. Jésus dit à ceux qui le suivaient. Qui m'a touché ? Simon Cephas répondit en disant, « Ne vois-tu pas que les gens avec toi se pressent d'entendre la parole de gloire, et toi-même tu dis, qui m'a touché ?» Quand la femme entendit cela, elle déclara à Jésus qu'elle s'était approchée de lui. Elle l'honora, et dit, « Que le Dieu d'Israël soit clément vers moi. C'est moi qui me suis approchée, et touché la frange de ton vêtement. » Dès que j'ai touché la frange de ton vêtement, j'ai été guéri de 12 ans de maladie. 4. Je n'ai pas trouvé dans la nation d'Israël comme la foi de cette femme, dit Jésus aux gens. Je te remets tes péchés, et cette grâce pour toi s'ajoutera à ta guérison. 5. Les Juifs dirent entre eux, quel est donc celui qui pardonne les péchés, hormis le Dieu d'Israël? N'est-il pas fils de Marie, et son père n'est-il pas Joseph l'artisan? Et ses frères ne sont-ils pas nos frères? Ô assemblée des Juifs, leur dit Jésus pour protester contre leurs paroles, oui je suis le fils de Marie, et mes frères sont vos frères. Quant à Joseph, il n'est pas mon père mais mon ami. 6. Il se tourna, et vit une chèvre qui paissait sur une colline, et lui dit, « À toi je te dis, ô chèvre, viens ici déclarer à ces gens qui je suis, d'où je viens, et où je vais dans le monde. » La chèvre vint, se prosterna aux pieds de Jésus, et ouvrit la bouche en parlant dans la langue des humains en disant, « Béni est ô Dieu d'Israël, ô Créateur des cieux, et de la terre. Tu es la parole qui parle par les prophètes. » 7. Quand les gens entendirent cela, ils furent très étonnés. Ils étaient au nombre de 7,400 hommes sans les femmes, et les enfants. Ils étaient stupéfaits d'étonnement, et crurent en notre Seigneur Jésus. Ils dirent d'une seule voix, « Oui, celui-ci vraiment est le Fils du Seigneur. Celui-ci vraiment est le Messie envoyé de la part du Père pour le salut des peuples. Il est le Messie dont Moïse a prophétisé. Le Seigneur suscitera pour vous un homme d'entre vos frères, qui réunira les peuples auprès de lui dans les derniers jours. 8. Le Seigneur Jésus dit la chèvre. Va à ta place, paix, et sois libre. Désormais personne ne t'asservira. 25e miracle. 1. Un jour que Jésus passait sur le territoire de Harar, montagne de Dieu, il vit un homme muet léphantiasique, qui se lamentait en pleurant, et levait les yeux au ciel en étendant les mains. Le Seigneur lui dit, « Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô homme, alors que ton Sauveur se trouve ?» Jésus s'approcha de lui, et lui mit la main sur la langue, et il parla aussitôt. 2. Il se prosterna aux pieds de notre Seigneur Jésus, et lui dit, « Tu es le Messie, le Fils du Seigneur. Que veux-tu maintenant ?» lui dit Jésus. « Mon Seigneur, sois clément vers moi. Quant à moi, je suis une honte au milieu des Israélites, personne parmi eux ne me donne du pain à manger mais ils me chassent à cause de mes plaies, et n'approchent jamais de moi, car je n'ai ni pied ni main. Va vers le rocher d'où sort la source d'eau qui s'appelle Shiloh. Lave ton corps 3 fois en disant à chaque fois. Au nom du Père Amen. Au nom du Fils Amen. Au nom du Saint-Esprit, vie éternelle Amen. C'est la perfection du tout dans les cieux, et la terre. Si tu fais cela, tu guériras de ta maladie. » Cet homme partit de suite à la source de Shiloh, et fit comme Jésus avait ordonné, et aussitôt il fut guéri. 3. Il partit vers l'assemblée des Juifs qui le virent guéri, et dirent « Qui t'a guéri ?» Le Seigneur Jésus, le Sauveur du monde m'a guéri, leur dit-il. Quand est-il guéri ? Lui dirent-ils. Il m'a guéri, et m'a rendu entier le jour du Shabbat. Cet homme est le violateur du Shabbat, il déclare vainement la loi, et mérite la mort, se dirent les Juifs entre eux. Les sacrificateurs et les anciens convoquèrent les gens, et leur dirent. Si vous connaissez l'endroit, prévenez-nous lorsqu'il viendra à Yerushalayim. 4. Le malade guéri leur dit. Moi-même sais que je restais estropié, sourd, et muet quand cet homme m'a guéri. Il n'aurait pas pu me guérir s'il n'avait pas puissance et grande force. Jamais à aucune époque nous n'avons entendu chez les prophètes les œuvres comme cet homme accompli. Ne tuez pas cet homme, ceux qui n'ont pas d'intelligence, et qui ne connaissent pas la loi, dirent les scribes et les pharisiens. 5. Tandis qu'ils parlaient, le Seigneur Jésus vint vers eux, et leur dit. Savez-vous de qui je suis le Fils ? Vous seriez sauvés de votre péché si vous croyez, mais votre péché repose dans votre ignorance. Pour ceux qui ne croient pas en moi, ô enfants de vipères, ne comprenez-vous pas la prophétie du prophète David qui dit par l'Esprit Saint. La pierre rejetée par les constructeurs a elle-même été au sommet de l'angle, de la part du Seigneur. Elle est merveilleuse à nos yeux. Ô enfants de vipères, vous dites vous-même, celui qui outrage contre son frère sera jugé, mais moi je vous dis que celui qui dit impur à son frère mérite la géhenne. Race de serpent qui lavez l'intérieur de la coupe, la nettoyant vous-même alors que vous n'observez pas la loi de Moïse. Tirez-vous qui prolongez la prière dans les places publiques, et traînez vos vêtements pour piller les orphelins et les veuves sous prétexte de votre prière. Tirez qui prenez en offrande la dîme de l'hysope, du cumin et de l'agneau, et négligez les préceptes du Seigneur. Voilà pourquoi vous n'entrerez pas dans le royaume du Seigneur. Vous n'entrez pas vous-même, et vous empêchez d'entrer ceux qui entrent dans le royaume des cieux. Tirez aux enfants de vipère, pratiquez des œuvres qui vous donneront fruit au royaume des cieux. Malheur à vous scribes, sacrificateurs, et anciens d'Israël, qui déclarez en vain la loi, et reniez le Messie, étant certains de sa venue mais disant, « Qui est-il ? D'où vient-il ? » 6. Si le Messie vient, nous croirons en lui, dirent les Juifs. Nous savons qu'il est fils de David. Si lui-même est fils de David comme vous dites, leur dit Jésus, comment David dit-il par l'Esprit Saint? Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je réduise tes ennemis sous l'escabeau de tes pieds. Lorsque les Juifs entendirent de lui ces paroles, il y eut entre eux une discussion. Il ne leur fut pas possible de répondre un seul mot. Ils dirent entre eux. 7. Est-ce que le Messie qu'on attend fera de plus grands miracles que ceux que cet homme fait? Avec tout ça nous n'avons pas trouvé en lui de péché, ni de paroles prétentieuses et mensongères. À ce moment-là, beaucoup de gens crurent. Gloire au Seigneur. 26e miracle. 1. Les gens de Galilée et de Judée avaient mis 4 ans de peine à semer, et quand la moisson approcha, les sauterelles mangèrent sans rien laisser. Voilà comment le malheur d'une grande pauvreté survint sur les gens de ce territoire. Beaucoup parmi les enfants d'Israël, et d'autres qui habitaient là moururent. 2. Quand 4 ans et un demi furent écoulés, les enfants d'Israël se réunirent et se dirent. Où est l'homme qui dit « Je suis le Messie, fils du Seigneur » Allons le chercher s'il peut lui-même écarter ce malheur de nous. Nicodème leur dit. Il n'est possible à personne de faire les mêmes œuvres que cet homme, la droite du Seigneur est posée sur lui. De grâce, nous te demandons à toi seul d'aller, car il est ton ami, et lui demander d'écarter de nous ce fléau, dirent-ils à Nicodème. 3. Nicodème alla vers Jésus, et dit. Bon maître, moi-même je sais que tu es venu dans le monde de la part du Seigneur. Tu es la sagesse, la puissance du Seigneur. Cette colère par la famine des sauterelles venues sur nous sont à cause de toi. Sois clément vers ton peuple. Retiens de nous les verges de la colère, car nous sommes tourmentés par la mort, châtiment que nous ne pouvons supporter. 4. Si les enfants d'Israël s'étaient repentis de leurs mauvaises œuvres, ce malheur ne les aurait pas atteints. Combien de fois ai-je voulu les réunir sous mes ordres, comme la poule réunit ses poussins sous ses ailes, mais ils ont refusé d'entrer sous mes ordres. 5. Pardonne le passé, ô mon Seigneur, et détourne ta colère de nous, lui dit Nicodème. Oui, moi-même je ferai ce que tu me demandes, dit Jésus. Ô bon maître, quand le feras-tu ? Lui demanda Nicodème. Le jour du Shabbat j'ordonnerai à cette colère de se détourner de vous, dit Jésus. 6. Convient-il qu'une œuvre se fasse le jour du Shabbat ? Dit Nicodème à notre Seigneur. Juge toi-même de la grâce. Vaut-il mieux qu'une âme soit sauvée le jour du Shabbat ou qu'elle meure ? Ô mon Seigneur, mieux vaut être sauvé que mourir. Le Fils de l'homme est le maître du Shabbat. Il a pouvoir sur le Shabbat pour faire ce qu'il veut le jour du Shabbat. Ô Nicodème, le Shabbat a été créé pour l'homme, non l'homme pour le Shabbat. Le Fils de l'homme a le pouvoir dans le ciel et sur la terre de sauver beaucoup d'âmes le jour du Shabbat. Ô Nicodème, ne sais-tu pas que j'ai ordonné au prophète Élie de fuir devant la reine Jézabel tueuse de prophètes ? Sans faute, il est allé 40 jours et 40 nuits avec leur Shabbat à cause de son obéissance à ma parole. Je l'ai sauvé de la main du roi Ahab et de la main de sa femme Jézabel, lui dit Jésus. 7. Quand Nicodème entendit ces paroles de notre Seigneur, il fut étonné, et songea en lui-même, « Les paroles de cet homme ne sont pas comme les paroles des autres, il ne parle pas selon le langage d'un âge de 30 ans. » Car alors Jésus avait 30 ans depuis qu'il était né de la Sainte Vierge Marie. Le Seigneur sut ce que pensait Nicodème, et lui dit, « Pourquoi penses-tu au scandale dans ton cœur ?» 8. Tandis que Nicodème parlait, la lumière du visage de Jésus dépassa cette fois la lumière du soleil. En plus, il vit une nuée lumineuse autour, un ange descendit de la nuée, et se prosterna devant lui, et dit. Ô lui, sans changer l'état du trône de ta gloire. Ô lui qui fait de la terre l'escabeau de tes pieds. Ô lui que les cieux et la terre ne contiennent pas. Ô bien-aimé du Seigneur, fils du Seigneur éternel, que m'ordonnes-tu de faire? Je t'ordonne de détourner la verge de colère du territoire de Galilée et du territoire de Judéa le jour du Shabbat, lui dit Jésus. 9. Quand Nicodème vit ceci, la peur et l'épouvante le saisirent, ses dents grincèrent, et ses genoux tremblèrent suite à l'intensité de sa peur. Jésus lui dit. Ô Nicodème, qu'as-tu vu au sujet d'un ange pour être effrayé d'une telle peur? Comment feras-tu lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et dans la gloire de tous ses anges juger les vivants et les morts? Ce jour-là il y aura de grands pleurs et des grincements de dents. Alors Nicodème versa de grandes larmes et dit. Je crois en toi, ô Dieu d'Israël, sois clément vers moi. 10. Sache au Nicodème que personne ne peut entrer dans le royaume des cieux qui ne soit né de l'eau et de l'Esprit Saint. Maintenant donc va trouver les enfants d'Israël et dis-leur. Ô épais de cœur! Jusqu'à quand vous supporterai-je? Déclare-leur de faire pénitence. Sache au Nicodème que je t'ai fait mon prédicateur et mon aide. 11. Nicodème alla vers les enfants d'Israël leur raconter tous les prodiges de Jésus. Beaucoup d'entre eux crurent par son intermédiaire. 12. Le fléau des sauterelles fut écarté des gens de Galilée et de Judéa le jour du Shabbat. Nicodème, un prince des Juifs, vit de ses yeux l'ange du Seigneur. Il le vit avant que Jésus lui donne les ordres d'écarter les sauterelles avec ses ailes et avec ses mains. 27e miracle. 1. Il y avait beaucoup de lions dans le territoire d'Ascalon au point que les gens de ce territoire ne pouvaient pas franchir la porte de leur maison après le coucher du soleil. Les gens d'Ascalon allèrent vers Jésus lui dire. Ô bon maître, le Seigneur t'a envoyé afin de sauver les enfants d'Israël. Ô Seigneur, sois clément vers nous malgré notre indignité. Chasse les lions qui ravagent notre pays, car nous savons qu'ils écouteront la parole de ton ordre. 2. Je serai clément vers vous pour votre supplication envers moi. Retournez maintenant à votre territoire, leur dit Jésus. Allez où les lions se réunissent, et dites aux lions. Aux lions, ne restez pas dans ce territoire, et ne ravagez rien qui s'y trouve. Ayant entendu cela, les gens d'Ascalon retournèrent à leur territoire. 3. Un homme appelé Nathanaël de Cana de Galilée s'en alla d'eux, et alla là où les lions se réunissaient, et leur dit ce que le Seigneur Jésus leur avait ordonné. Lorsque Nathanaël leur eut déclaré, un nombre innombrable de lions se réunit auprès de lui. Quant à lui, il étendit la main pour les sermonner, et leur dit. Allez-vous-en, et n'entrez plus désormais dans ce territoire, comme vous ordonne Jésus le Sauveur du monde, car lui-même ne vous refusera pas votre nourriture. 4. Les lions inclinèrent ensemble leur tête, et se prosternèrent vers Nathanaël, car il était un des disciples de Jésus. Les lions s'en allèrent aussitôt de ce territoire. 5. Lorsque les gens d'Ascalon virent ce prodige, leur foi fut affermie, car ils virent la gloire du Seigneur. 28e miracle. 1. Quand Jésus alla à Jéricho, il réunit ses disciples, et leur dit: Vous êtes les co-héritiers du Seigneur. J'ai préparé pour vous le royaume des cieux avant les temps, et avant que les cieux et la terre fussent créés, car vous êtes tous purs, c'est pourquoi je vous ai moi-même choisi. Cependant il y a, parmi vous un Satan. Excepté lui, vous hériterez tous du royaume des cieux que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas imaginé dans le cœur de l'homme, dont les délices sont inexprimables. Je vous dis à vous 12, au jour de la résurrection vous siégerez sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Vous êtes la lumière du monde, et la splendeur du désert, vous êtes le sel de la terre. 2. Ô Simon fils de Jonas, que dis-tu de moi? Dit-il en plus à Simon Céphas. Je dis tu es le Messie, fils du Seigneur vivant, le Sauveur du monde, dit Simon. Tu es bienheureux fils de Jonas, car mon Père dans les cieux t'a révélé cela pour que tu saches. Sache frapper à la porte ô Simon, elle s'ouvrira pour toi. Tu es bienheureux ô Simon, car beaucoup de patriarches et de prophètes ont désiré voir ce que toi-même vois, et n'ont pas vu. Bienheureuses tes oreilles qui ont entendu ma parole, bienheureux tes yeux qui m'ont vu. Sache ô Simon, que le bien-aimé Abraham a désiré de nombreuses fois me voir. Quand j'ai comblé pour lui son désir, il m'a vu, et il s'est réjoui. Vraiment je te dis ô Simon, les débauchés, les brigands, les publicains, et toute espèce de pécheurs, précéderont les enfants d'Israël à l'entrée du royaume des cieux. Vraiment je te dis ô Simon, j'ai pardonné tous leurs péchés, et leur blasphème aux enfants d'Israël, mais contre le Père, contre le Fils, et contre le Saint-Esprit, qui profèrent une mauvaise parole contre eux,